Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre Rocuzzo et je voulais vous parler aujourd'hui de l'artiste César. C'est un artiste qui donne son nom à l'atelier César que nous avons à l'école d'art de Rayon, qui s'appelait auparavant, qui s'appelait jusqu'à l'année dernière, l'atelier Sur le Pouce. Voilà, vous comprendrez à la fin pourquoi nous avons décidé d'appeler cet atelier comme cela. César Baldaccini, dit César, est un sculpteur français né en 1921 à Marseille et mort en 1998. Il fait partie du mouvement artistique des nouveaux réalistes, pardon, qui apparaît dans les années 1960, et il est également le créateur du trophée en bronze de la cérémonie des Césars du cinéma français. Voilà, une sculpture connue par tous quasiment en France. César est un fils d'immigré italien qui va suivre entre 1935 et 1939 les cours de l'École supérieure des beaux-arts de Marseille, dont il sortira diplômé après avoir obtenu trois prix en gravure, en dessin et en architecture. Il s'installe à Paris durant la guerre et à la fin de celle-ci, il va surtout travailler le plâtre et le fer, car le prix de la pierre est beaucoup trop élevé pour ses moyens. Faute de pouvoir acheter de la pierre, faute de pouvoir tailler la pierre, il va apprendre notamment la soudure dans un atelier industriel et il va récupérer dans les décharges les matériaux de ses premières sculptures. Ça va être des tubes, ça va être des boulons, des vis, des plaques de métal très diverses, des rebuts donc, des rejets. Et le début de sa carrière est alors formé d'un ensemble d'animaux et d'insectes métalliques qui sont faits à partir de ces rebuts industriels. On va y trouver des poissons, on va y trouver la chauve-souris, on va y trouver le scorpion, on va y trouver l'hippocampe. Ça va être des sculptures à l'aspect assez brut, des sculptures pointues, presque agressives, j'ai envie de dire. Mais on va aussi trouver à la même époque des sculptures de femmes, des sculptures plus lisses, plus rondes, comme Ginette ou la Vénus de Viltaneuse. En 1961, César va rejoindre le groupe des Nouveaux Réalistes, groupe d'artistes fondé par Yves Klein et le critique d'art Pierre Restany. Les Nouveaux Réalistes vont prôner, comme leur nom l'indique, un retour à la réalité et s'opposer dans ces années 1960 à une peinture abstraite américaine trop lyrique. Un retour à la réalité, donc, mais pas forcément un retour au réalisme ou à la figuration, qui sont alors jugés trop bourgeoise ou trop stalinienne. Donc on va vers le réalisme et pas vers la figuration forcément. Et les nouveaux réalistes vont prôner l'utilisation d'objets issus du réel, des objets qui sont issus du quotidien. Le nouveau réalisme fait entrer en France le réel et les objets de tous les jours dans l'art. Comme cela va arriver au même moment aux États-Unis avec le pop art et les artistes du pop art, avec Andy Warhol par exemple. Les nouveaux réalistes, à travers l'utilisation d'objets industriels bruts, vont aussi participer à la minimisation de l'habileté manuelle, qui était à l'époque un facteur important dans la reconnaissance de la valeur d'un artiste. Voilà, un artiste était quelqu'un qui savait se servir de ses mains, quelqu'un qui avait une certaine habileté avec ses mains. Et en 1958, César va faire la rencontre dans une casse automobile de la banlieue parisienne d'une machine qui va devenir son outil artistique de prédilection, la presse hydraulique. La presse hydraulique, c'est cette énorme machine qu'on trouve dans les casses automobiles qui permet par un effort de compression de déformer et d'écraser à peu près n'importe quel objet. César va donc utiliser cette presse hydraulique et il va pour sa première compression écraser une voiture, il va écraser une Renault Dauphine. Le but étant de transformer un objet culte de notre société, un objet très actuel à l'époque, même si aujourd'hui la Renault Dauphine est devenue une voiture de collection, et d'en faire quelque chose d'autre, d'en faire quelque chose de très géométrique finalement, puisqu'il va en faire une espèce d'énorme rectangle. Et jusqu'à la fin de sa carrière, César va compresser notamment des voitures, hein, assez souvent des voitures, dans une sorte de geste de défi vis-à-vis de l'industrie et vis-à-vis de la consommation. Il va par exemple compresser en 1986 plusieurs Peugeot 205 turbo accidentés du coureur automobile Jean Toth, mais aussi une série de Fiat neuves. Série de Fiat neuves qui, une fois compressées, vont être repeintes dans l'usine Fiat de Turin selon les couleurs de l'année. Ces compressions de Fiat, qu'on appelle la suite milanaise, qui date de 1998, va être une des séries de compressions les plus connues de César. César, donc, il détruit, ou plutôt il compresse. Mais dans tous les cas, ça peut sembler un geste totalement anti-artistique ou anti-créatif. Mais pourtant, la presse hydraulique va pour César être ce que le pinceau ou le burin va être pour d'autres artistes. Et c'est étonnant de voir que, par la magie de l'art, ou plutôt d'ailleurs par la magie du marché de l'art, les provocations avant-gardistes de César vont faire qu'une Fiat neuve compressée par César va valoir beaucoup plus d'argent qu'une Fiat neuve en état de marche. Et ça, quasiment immédiatement. C'est-à-dire que quand César écrase une voiture, elle vaut plus cher une fois écrasée qu'elle ne l'était, elle ne l'était neuve. La statuette de la cérémonie des Césars représente elle aussi une compression. Elle a été commandée à l'artiste en 1976 par le producteur Georges Craven, qui tentait alors d'imposer une grande cérémonie de récompense française pouvant rivaliser avec les Oscars américains. Le nom des Oscars est resté en hommage à l'artiste qui a créé la statuette, mais aussi pour sa ressemblance avec le nom César. Oscar, pardon. Donc le nom des Césars est resté en ressemblance avec le nom Oscar. La statuette des Césars représente d'ailleurs une compression de différentes pellicules et bobines de films. C'est un moulage en bronze qui est plaqué or. Donc César est très connu pour ses compressions. Mais à l'opposé de ses compressions, César va aussi être connu à partir des années 60 pour ses expansions. Les expansions de César sont des coulées de mousse polyuréthane, c'est un matériau chimique, qui est travaillé et qui, une fois travaillé et versé de manière libre, s'étendent et gonflent dans des proportions assez étonnantes. On a tous déjà vu de la mousse à expansion, c'est ce qu'on utilise par exemple pour faire l'isolation des fenêtres, ça se vend dans les magasins de bricolage sous forme de petites bombes. Les premières expansions de César, elles vont être réalisées en public à l'occasion de happening ou de performance, et elles vont ensuite être découpées en morceaux et distribuées à l'assistance. Ce qui est intéressant avec ces expansions, c'est qu'elles semblent figer, de manière assez contradictoire finalement, un matériau liquide, c'est-à-dire qu'on a une coulée liquide qui est figée dans un résultat solide. Et ces expansions, elles vont être travaillées avec une dernière couche de peinture, puis de laque, et ça va devenir des éléments extrêmement lisses, extrêmement brillants, à l'opposé finalement du résultat normalement d'une mousse à expansion. Avec cette mousse polyuréthane, César va découvrir que le matériau lui-même peut sécréter sa propre forme, et pour une part se substituer au sculpteur, comme finalement c'était déjà le cas précédemment avec les compressions. À la quasi-géométrie des compressions va s'opposer la mollesse organique des expansions, et au caractère compact hein, et vertical des premières, répond la liberté de la forme des secondes. Mais César, qui est déjà célèbre dans le monde entier pour ses compressions et ses expansions, va, au contact d'une nouvelle découverte technologique, ouvrir une troisième voie dans son travail avec la série dite des empreintes. Les empreintes de César, ce sont des parties de corps humain reproduite à une échelle supérieure à l'aide d'un pantographe de sculpteur. Cet outil, le pantographe de sculpteur, qui existe depuis le XVIIIe siècle, est un instrument de mesure utilisé par les sculpteurs de pierre et les ébénistes pour reproduire précisément des originaux à taille égale, supérieure ou inférieure. Et c'est avec l'infiniment grand que César va s'amuser lorsqu'il va reproduire, par exemple, son propre pouce à partir de 1965 dans des tailles pouvant aller jusqu'à 12 mètres de haut pour l'exemplaire qui est installé à la Défense à Paris. Ce pouce, ou ses pouces, puisqu'il va y en avoir plusieurs, sont des copies parfaites de celui du sculpteur, avec son ongle, avec les plis de sa peau, et même avec ses empreintes digitales. Le pouce, une fois sculpté, reproduit en bronze ou dans divers matériaux, repose à plat sur la partie qui, habituellement, le rattache à la main. César va aussi reproduire, en taille toujours gigantesque, ou tout du moins surdimensionnée, son poing, le sein d'une danseuse du Crazy Horse, ou encore deux doigts formant le V de la Victoire. Mais c'est vraiment son pouce qui va faire histoire dans l'histoire de l'art, ce pouce qui permet finalement à tous les humains de tenir des objets et qui permet donc aussi de manier des outils, voire des outils artistiques pour l'artiste, donc des outils traditionnels que l'artiste aura lui pris soin d'éviter toute sa vie.